Chapitre 3e. Ces projets de bonne camaraderie entre Morissette et moi ne se réalisèrent pas aussi complètement que nous l'avions espéré. La négrillonne se préparait à sa première communion, et les exercices religieux la retenaient précisément à l'église, les jeudis et les dimanches, qui étaient mes seuls jours de congé. Madame Robin des Roches veillait scrupuleusement à ce que sa protégée se distinguât par son zèle et sa dévotion. Elle l'accompagnait au vêpres et assistait ponctuellement au cours de catéchisme fait par le vicaire de Notre-Dame. Elle y mettait même une certaine ostentation, croyant que la haute société locale lui saurait gré de l'édification donnée à la paroisse par la présence d'une fille de couleur au milieu des jeunes communiantes. La cérémonie eut lieu le dimanche de la Trinité. La nouvelle catéchumène s'y fit remarquer par sa piété et aussi, surtout, par l'étrangeté de son visage d'un noir d'ébène noyé dans des nuages de tulle blanc. Après les vêpres et la procession, il y eut un dîner de gala à la Gélinière. J'y fus convié ainsi que mes parents, et j'eus ainsi l'occasion de me retrouver près de Morissette. Elle avait enlevé son voile, son bonnet de tulle et sa couronne de rose blanche. Sa tête, crépue et sombre, se dressant au-dessus de sa neigeuse toilette, me produisit un effet presque choquant, et de réchef, j'éprouvai en l'embrassant un sentiment de malaise qui ne lui échappa point. Avec son ordinaire mobilité d'humeur, elle avait déjà modifié ses airs de petite nonne et ses pieuses attitudes recueillies. Le naturel avait repris le dessus. Elle se montrait bruyamment expansive, avec des accès de troublante câlinerie, qui eurent vite raison de mes involontaires mouvements de répulsion. Nous redevâmes, comme la première fois, une paire d'amis très tendres. Et ce fut ainsi à chaque rencontre. Elle commençait par me paraître grotesquement laide, et je rougissais d'abord de ses peu flatteuses privautés. Puis, sa jovialité communicative et ses caresses de jeune chien triomphaient de ma fausse honte. Il se dégageait de cette noire adolescente de la Martinique des effluves de sensualité qui me grisaient comme l'odeur du seringa. Débarrassé des préoccupations de la première communion, Mimi Robin des Roches se remit à songer à la soirée par laquelle elle voulait inaugurer ses réceptions à la Gélinière. Elle désirait que cette première fête s'imposât à l'admiration des indigènes, et s'imaginant qu'elle était encore aux Antilles, où les nuits sont chaudes et la température peu variable, elle rêvait de donner dans ses jardins un grand bal champêtre où elle inviterait le dessus du panier de la société locale. Les dispositions du parc s'y prêtaient merveilleusement, pourvu que le temps favorisât les projets des maîtres de la maison. Chatouillé dans sa vanité de parvenu, M. Robin des Roches laissait carte blanche à sa femme. On comptait transformer un des grands ronds-points en salle de bal, éclairer la futaie avec des girandoles et des lanternes de couleur, et organiser ainsi une réception féerique dont on parlerait longtemps à Villotte. Un architecte fut convoqué. L'emplacement choisi et les préparatifs commencèrent. Les commandes pour le buffet et le souper furent faites chez Chevet, et on fixa la date du bal au 15 juillet, époque où les nuits sont généralement belles dans nos régions de l'Est, et où l'on a moins à craindre les brusques variations de température. Mimi lança ses invitations au chef-lieu et aux environs, et ainsi que M. Desroches l'avait prévu, il ne fut bruit dans tout le pays que de la fête mirifique offerte par les nouveaux venus. Comme bien on pense, les invitations furent partout acceptées. Les Robin des Roches se félicitaient déjà par avance de cette hâte flatteuse avec laquelle les hauts fonctionnaires et les gros bonnets de Villotte répondaient affirmativement à leur convocation. Aveuglés par leur naïf amour-propre exotique, ils ne se disaient même pas qu'il entrait dans cet empressement plus de curiosité que de bienveillance. Naturellement, mes parents avaient été conviés, et en ma qualité de grand favori de la maîtresse de la Gélinière, j'avais été personnellement inscrit sur la carte d'invitation. Je ne me possédais plus. C'était le premier bal auquel j'allais assister, et quel bal! Aussi, dans toute la ville, personne ne formait des vœux plus ardents pour que le temps se maintînt au beau fixe. Pendant la semaine qui précéda, je consultai à toute minute le baromètre. Tous les soirs, je contemplais le soleil couchant, tremblant d'y apercevoir des menaces de pluie. Tous les matins, en m'éveillant, je constatais avec des sursauts de joie la radieuse montée du soleil dans un azur immuable. Enfin, le grand jour arriva, et le ciel se montra soigneux d'exaucer mes prières. Le soleil s'était couché dans une chaude vapeur empourprée. La nuit promettait d'être à la fois tiède et transparente. Dès 9 heures, une voiture de louage vint nous prendre, mon père, ma mère et moi, et quand, au milieu d'une triple rangée de curieux, notre équipage franchit la grille illuminée, mes yeux s'écarquèrent joyeusement à la vue des pelouses, étoilées de verre de couleur, qui luisaient comme des lucioles, à l'aspect de la grande allée où des lanternes vénitiennes se balançaient aux branches ainsi que des centaines de fruits multicolores. La salle de bal, parquetée, abritée sous un vaste vellum de toile et décorée de plantes fleuries, occupait le rond-point situé à l'intersection de quatre avenues. L'orchestre était dissimulé sous des massifs de feuillets. À droite et à gauche, des baies drapées de coutils laissaient voir en perspective deux allées coupées, l'une par la tente du vestiaire, l'autre par le buffet où les verreries et les vaisselles s'étageaient parmi des gerbes de roses et des lampes nichées dans la verdure. Debout, près de la baie du vestiaire, les propriétaires de la gélinière accueillaient leurs hôtes. Madame Mimi souriante, très parée, toute scintillante de pierreries semées dans ses cheveux et sur le corsage de sa robe de velours, Monsieur Robin des Roches, trapu, un peu gêné dans son habit noir, et saluant gauchement. Quand nous entrâmes, presque toutes les banquettes étaient déjà garnies de dames et de jeunes filles aux fraîches toilettes décolletées. Les hommes en frac, cravatés de blanc et le claque sous le bras, se promenaient par groupes. Les plus jeunes papillonnaient autour des danseuses. J'eus d'abord un éblouissement. Sous la clarté blonde des lustres, ses coiffures de fleurs naturelles, ses épaules nues, serrées et comme serties en des bertes de dentelle, ses frissonnantes jupes de tulle, de tarlatane ou de crêpe lisses aux nuances tendres, ses yeux luisants derrière les éventails agités, me donnèrent des hallucinations de féerie. Ce fut bien autre chose encore lorsque les danses commencèrent. L'invisible orchestre jouait une valse et peu à peu les couples tournoyaient, dispersant sur leur passage les groupes des habits noirs. Les tailles souples des danseuses semblaient pliées sous les bras des cavaliers. Les yeux mi-clos, la bouche souriante, elles inclinaient mollement leur tête sur l'épaule de leur danseur et les bouquets qu'elles tenaient à la main, comme c'était la mode en ce temps-là, répandaient au passage de languides odeurs de jasmin et de rosté. Attirés par l'éclat des lumières, des phalènes duvetées viraient à leur tour dans l'air attiédi et parfois dans leur vol effleuraient la chair des nuques ou des épaules. Insensiblement, à nos mébobissements admiratifs se mêlait un regret de ne pas savoir danser et d'être réduit au rôle de spectateur passif. On se lasse très vite d'assister au plaisir qu'on ne partage pas. Après avoir erré comme une âme en peine autour des danseurs et m'être fait deux ou trois fois bousculer par des couples dont je gênais les mouvements, je commençais à me sentir esselé. Et tout d'un coup, je m'étonnais de l'absence de Morissette. On avait sans doute insinué à Madame Robin des Roches que la négrione ferait tâche au milieu des élégances des invités. Il s'était décidé à tenir sa fille adoptive à l'écart. Pourtant, il me paraissait impossible qu'on lui claquemurait à la maison. Où diantre peut-elle être ? Me demandai-je, tout en suivant languissamment des groupes qui se dirigeaient vers le buffet. Quand je fus auprès des étagères où le punch fumait, où l'on versait le champagne dans des flûtes évasées et où les sandwiches, les pains au foie gras, les brioches s'amoncelaient parmi les sirops et les orangeades, j'aperçus tout à coup Morissette qui dressait sa tête noire entre deux pots de laurier rose. On l'avait préposée à la surveillance des rafraîchissements afin de ne pas la laisser oisive et aussi pour lui permettre de contempler du moins la fête à distance. Dès qu'elle me vit, elle me fit un signe et je me hâtai de me faufiler près d'elle. « Venez. » chuchota-t-elle. Vous mangez bonne chose avec moi. » Et elle m'emmena dans une sorte d'office où l'on préparait les sirops et me bourra de gâteaux que nous arrosions de lampées de vin chaud. Mis en gaieté par ce petit souper, nous nous esquivâmes bras dessus, très émoustillés par le vin que nous avions bu. Nous allâmes d'abord flâner curieusement autour du bal qui était dans son plein, puis nous fûmes attirés par des éclats de rire qui partaient de la tente du vestiaire. Là, s'étaient rassemblés, près des femmes de chambre, les gens de livrée qui avaient accompagné de hauts fonctionnaires au bal et qui attendaient leur départ. Je reconnus le cocher, le valet de pied du préfet, les domestiques du receveur général et du conservateur des forêts. Tous ces larbins ne paraissaient pas s'ennuyer. On avait débouché pour eux des bouteilles de Bordeaux, ils buvaient à verre pleurant, en engloutissant des tranches de brioche, en lutinant les chambrières et en daubant les maîtres chez lesquels ils servaient. Leur raillerie n'épargnait personne. Ils plaisantaient assez grossièrement, mais avec une verve amusante, et nous nous arrêtâmes pour les écouter. À cette même heure, M. Robin des Roches, qui ne dansait point et qui venait de perdre une assez grosse somme à la bouillotte, rôdait d'un air désorienté à travers le bal où personne n'avait l'air de le connaître. Il ressemblait moins à un amphitryon qu'à un invité quelconque, et encore à un invité qui s'ennuie. Proportion gardée, Il ressentait un peu le même malaise que moi tout à l'heure. Aussi, quittant la salle de dîner en ayant allumé un cigare, il se décidait à promener sa mauvaise humeur sous la voûte des allées peu fréquentées. Peu à peu, son attention était éveillée par les éclats de rire des gens du vestiaire. Il se rapprochait de la tente où l'on continuait à rigoler, et caché dans le feuillage, il écoutait à son tour. « Matin !» déclarait en sirotant son verre, un valet de pied à la face rasée et à l'œil sournois. « La cave est bonne ici, et j'y reviendrai volontiers. Est-ce que vos maîtres recommenceront bientôt cette petite fête ?»« Je crois que oui, » répondait une femme de chambre. « Madame a l'intention de recevoir tout l'hiver. »« Bigre, ce sont des richards, alors ?»« Est-ce qu'on sait jamais quand les gens viennent de si loin ?» reprenait dédaigneusement le domestique du conservateur. « Dans tous les cas, ceux-ci ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. L'autre soir, je servais à table chez le payeur, et on en racontait de belles sur eux. »« Quoi donc ? Des menteries, sans doute ?» répliquait la chambrière aux yeux allumés par la curiosité. « Nenni, le monsieur qui parlait revenait de la Martinique. Il avait l'air bien renseigné. Il prétendait que votre dame, qui fait tant d'embarras, avait été la bonne amie d'un riche planteur de là-bas, et que le vieux lui avait laissé sa fortune en paiement des services rendus, ce qui n'est déjà pas très propre. Le mari qu'elle a épousé ensuite, votre maître, M. Robin, n'avait pas le sou. Il était surveillant dans la plantation, censément le gardien des Noirs. Il ne se montrait pas tendre avec eux et les menait à coups de fouet, bien que né lui-même d'un blanc et d'une négresse. « Tiens, tiens !» ajouta le cocher de la préfecture. « C'est donc pour cela que mon patron disait de lui l'autre jour « Ce Robin, il n'a qu'à regarder ses ongles. Il a du sang de nègre dans les veines. » Le cocher avait à peine achevé que les massifs s'écartèrent violemment, comme si un sanglier y eût fait sa trouée, et M. Robin des Roches apparut en personne, tout tremblant de colère. « Tas de canailles !» s'exclama-t-il en levant le poing. Il était d'une pâleur affreuse, une légère écume moussée au coin de ses lèvres, ses yeux jaunes luisaient pareils à ceux d'un loup. Il ne lui manquait qu'un fouet à la main pour attester son ancien métier. Il avait la mine si féroce que les larbins effarés ne demandèrent pas le reste et s'égaillèrent dans les fourrés. Les femmes de chambre s'étaient dissimulées sous les piles de vêtements du vestiaire. Maurice et moi restions seuls en pleine lumière. M. Robin nous aperçut, et sa rage redoubla la pensée que nous avions entendu toutes les ordures vomies à bouche que veux-tu par la Baltaille. Il me foudroya du regard, et saisissant rudement Morissette par le bras, la secoua comme un prunier. « Qu'est-ce que tu fiches ici, mauvaise graine ? » grommela-t-il. « Va te coucher, et que ça ne traîne pas !» Il la lâcha si brusquement qu'elle faillit s'étaler sur le sable de l'allée. Elle se redressa néanmoins, prit ses jambes à son cou, et je la suivis. Pendant ce temps, les danseurs continuaient à se trémousser au son des violons et des flûtes, et cette joie du bal, éparse dans la nuit, achevait d'exaspérer l'irritation et l'amère mortification de M. Robin des Roches.